Y'a ceux qui rappent pour dire, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, pour que le son résonne partout, que les gens disent mais ça claque ça. Puis y'a les jeunes comme moi qui aiment ça, qui dans le fond ont besoin de ça. Quand ça va pas quelques mesures, je t'assure qu'après ça va. Certains croyants me connaître vont sûrement se poser des questions, mais qui les garde pour eux? Pour moi tout est dit dans les chansons. En tout cas personnellement, je rappe tout ce que je tenais à vous dire. Certaines choses ne sont pas dites, pas de problème, c'est pas le pire. Trop usé, brisé, morcelé par la dureté de nos vies. Mes textes me soulagent et m'évitent de pousser des cris. Toujours un bic à la main, je trouve que ça me met à l'abri. C'est ça ma thérapie, elle est meilleure que celle des psys. Des embrouilles j'en ai toujours eu, j'en aurai probablement toujours. Des histoires sans fin de bagarre, de regard, on vit ça tous les jours. N'allez pas croire que ça me plaît, que ça ressemble à un loisir. La vie sans violence, je la prendrais sans hésiter si je pouvais choisir. Mon rap c'est des douleurs qui me hantent, que je vais expulser dans mon esprit. C'est des bêtises, un besoin d'écrire, de chanter ce qui m'a pris. C'est vrai j'en ai besoin, je pleure à l'écrit pour trouver ma position d'équilibre. Le cerveau noyé ça m'a évité de tout lâcher puis de sortir le calibre. C'est comme ça le destin m'a lâchement mis un grand coup dans le dos. J'ai l'impression que les galères s'empilent depuis la sortie de l'hosto. Depuis lors je dramatise, je ne sais comment gérer les crises. Le défenseur c'est moi et mec, mon rap c'est mon auto-psychanalyse. Psychiatre, psychologue, tout ça c'est pas dans mes moyens. En plus je crois que de ma bouche il ne sortirait rien. Devant mon papier j'écris des textes, ma musique est un miroir. Devant le micro je chante pour me libérer, pas pour chercher la gloire. Psychiatre, psychologue, tout ça c'est pas dans mes moyens. En plus je crois que de ma bouche il ne sortirait rien. Pardonnez-moi de raconter ma vie sur portée musicale. C'est mon auto-psychanalyse et c'est maintenant pour moi vital. Je suis calme jusqu'à ce que je m'énerve. J'écris parce que je l'énerve, parce que la mort me flaire. Et je ne peux rien y faire, parce que la terre m'atterre. Et parce que l'art est ma thérapie. Comprends-tu que la haine m'anime? Ça c'est une de ces manies. Je n'endors pas la nuit, ce n'est pas aussi simple qu'une maladie qu'on donne et qu'on prend. Et ça ces putains de psy ne peuvent pas le comprendre. Toute la nuit j'écris au lieu de pousser des cris. À force de me ronger du sang, il vient me pousser des griffes. Le soir j'écris, c'est l'unique chose qui me calme. La seule chose qui fait que demain je vais pas péter un câble. Le rap c'est mon auto-psychanalyse, ce qui donne un sens à nos vies qu'on banalise. Le rap, ça c'est ma drogue légale, une perfusion d'encre. Et dans ma tête c'est l'hôpital, j'ai la mine fatiguée. Normal, j'écris trop, je préfère ma tête et ma plume que le comptoir d'un bistrot. Une terminaison nerveuse à la pointe du stylo. C'était la main sur une batte de baseball ou un micro. Je viens poser mon animosité sur un CD. J'ai un réservoir de rage, pure qualité. À CD, je voulais rapper quelques mesures avant que la haine me trouble. Le rap, ça c'est ma thérapie de groupe. Psychiatre, psychologue, tout ça c'est pas dans mes moyens. En plus je crois que de ma bouche, il ne sortirait rien. Devant mon papier j'écris des textes, ma musique est un miroir. Devant le micro je chante pour me libérer, pas pour chercher la gloire. Psychiatre, psychologue, tout ça c'est pas dans mes moyens. En plus je crois que de ma bouche, il ne sortirait rien. Pardonnez-moi de raconter ma vie sur portée musicale. C'est mon auto-psychanalyse et c'est maintenant pour moi vital.